Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste, 232e vidéo réservée aux souscripteurs, c'est la vidéo bonus de la semaine, donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon, vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose. Alors après un cycle sur l'Asie du Sud-Est et un autre sur l'Europe, j'en commence un troisième sur l'Amérique latine, toujours en relation avec le Parti communiste chinois évidemment, et quel pays mieux que Cuba pour commencer cette partie du monde infestée par le communisme, d'abord l'URSS, puis la Chine communiste qui a pris le relais depuis la chute simulée du mur de Berlin et de l'URSS, faut-il le rappeler. Alors Cuba est sans doute l'une des régions au monde qui illustre le mieux le fameux verset biblique Zacharie 7,14 « D'un pays de délices, ils ont fait un désert ». Parce que Cuba est devenue, depuis la prise de pouvoir ultra-violente par Fidel Castro et Che Guevara en 1959, un des pires endroits au monde en termes de liberté, de la presse, liberté d'entreprendre, liberté de circuler librement, etc., en termes de niveau de vie, etc. Et pourtant, il reste un modèle pour les plus communistes à travers le monde, dont de nombreux Français qui idéalisent encore ce régime communiste, comme Vincent Lapierre ou Mélenchon, et tant d'autres. Alors je vais me pencher sur ces liens entre Cuba et la Chine communiste, et son rôle dans la Troisième Guerre mondiale déclenchée par le Parti communiste chinois via une attaque biologique, au moment où Cuba vient de mettre en place la vaccination des enfants dès 2 ans. Alors c'est pas une vaccination obligatoire, comme ici en Polynésie, mais c'est le premier pays au monde à autoriser la vaccination pour le virus du Parti communiste chinois dès l'âge de 2 ans. Voilà. Et là, l'expression « pourriture communiste » prend tout son sens. A tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.